Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir à être là chaque semaine, à vous offrir de l'excellente musique franco-canadienne qui vient un peu partout à travers le Canada. Cette semaine, j'ai pour vous du Nicole Leblanc, Joseph Edgar, Tommy Bulger, un produit que j'ai reçu tout récemment de l'Acadie, assez intéressant, merci. L'album la semaine sera, bien sûr, Paysage intérieur de Joël Leroy, qui a été lancé tout récemment. On va entendre également du Céleste Lévy, du René Ray, du Julie Kim. En instrumental, j'ai du Benjamin Deschamps Quintet, les Los Gringos. Et du côté de l'Ouest, entre autres, une nouveauté, Suzanne Kennelly. Assez intéressant, merci, si vous aimez le jazz. Restez là, je vous reviens dans quelques instants avec le début de l'émission Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Lalonde des ondes, très content d'être là avec vous. Comme à l'habitude, permettez-moi le temps de remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes, CKJM Chétican, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO la radio de l'Université d'Ottawa et CFRH la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg Saskatchewan, CLS Victoria Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife Territoire du Nord-Ouest. Et l'émission est maintenant disponible sur archive.org. Commentaires, suggestions, mes contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@commercial.gmail.com. Voilà. Allons-y avec le début, c'est le bloc des Maritimes, bien entendu. On va commencer ça avec la charmante Nicole Leblanc, qui est en spectacle ces temps-ci un peu partout dans la ville de Chétican. Elle sera au Le Gabriel Restaurant les 22 et 30 juin prochains. Si vous avez la chance d'aller l'encourager, allez-y. On va entendre la pièce changer dans quelques instants. Par la suite, on va entendre Chloé Bro qui était au rendez-vous des artistes la semaine passée, je pense le 10 juin. Donc, on va entendre la pièce Wes, une très bonne pièce de son album Love. Cette jeune artiste du Nouveau-Brunswick qui a fait partie, bien sûr, de Accro de la chanson, donc il y a quelques années. Mais pour l'instant, voici Nicole Leblanc. Cheveux dans la face et la gorge serrée, les jambes étourdies et les yeux cernés. Découragé, écœuré, fatigué, étané. T'arrives à midi, tu t'es déjà saoulé. Je vais pas y penser, mais c'est là je vais rester. Déconforté, épuisé, attristé et frustré. Et là tu me dis que tu m'aimes. Tu me jures que ça ne restera pas de même. J'attendrai quelques années. J'espère bien que t'auras changé. Je travaille comme une folle, j'essaie de te contenter, mais c'est impossible, car t'es toujours drogué, découragé, écœuré, fatigué et tanné. Quand la lumière pique, c'est fini, j'ai décidé, tu t'en rendras compte quand tu seras réveillé, déconforté, épuisé, attristé et frustré. J'attendrai quelques années, j'espère bien que t'auras changé. Change ta face, change tes cheveux, change tes yeux, change ton habit, tes oublis, tes soucis. C'est fini, j'en peux plus, j'suis partie, t'aurais cru, c'est fini, j'suis partie. Le lendemain, tu reviens comme un chien, sans même y penser, je te ferme la porte au nez. Déconforté, épuisé, attristé et frustré. Et là tu me dis que tu m'aimes, tu me jures que ça ne restera pas de même. Et là tu me dis encore que tu m'aimes, tu me jures que ça ne restera pas de même. J'attendrai quelques années, j'espère bien que tu auras changé. Cheveux dans la face et la gorge serrée, les jambes étourdies et les yeux cernés. Fatigué et tanné. West, amène le port, loin. Comme à chaque semaine, je vous invite à aller faire un tour sur ma page Facebook de Canrock, CAN-ROCK. Il y a beaucoup d'informations sur cette page-là. Je partage constamment des vidéos, des photos, l'information sur les artistes de la francophonie canadienne et des fois mes commentaires de disques. Donc, allez faire un tour pour voir ce qui se passe avec la francophonie musicale canadienne. Vous allez aussi voir sur ma page Facebook un petit lien qui nous explique que M. Joseph Edgar, eh bien, ce cher Joseph Edgar, sera plus ou moins directeur artistique, oui, dans le cadre du Congrès mondial acadien de 2019. Il sera directeur artistique de l'espace Extrême Frontière qui se passera du côté de Moncton, si je ne me trompe pas. Donc, très content pour lui. Ça se passe ça au CMA 2019. Bon, c'est loin, mais ça va arriver plus vite qu'on le pense, je vous le jure. On va justement l'écouter, ce cher Joseph Edgar, avec Boule Miroir, une nouveauté qu'il a lancée tout récemment. Parlant de nouveautés, on va entendre également Coin Caché de M. Raphaël Buckler, qui est comédien, comme je vous disais, dans la série à Radio-Canada, La Val-Drague. C'est un auteur, compositeur, interprète qui a un excellent produit, un album éponyme intéressant. Donc, allez faire un tour sur plage, www.plage.net pour vous procurer son album. Et puis, on va écouter la pièce « Coin caché », comme je vous disais. Par la suite, une surprise que j'ai reçue à un moment donné. J'ai dû avoir parlé avec quelqu'un qui m'a dit « Hey, j'ai quelque chose pour toi », puis que je n'ai pas saisi. Mais j'ai reçu l'album de Tommy Bulger. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Tommy Bulger. Un album éponyme, là aussi, mais avec du bon rock francophone solide. On va entendre la pièce « Virginie » dans quelques instants. Mais on débute ça avec Joseph Edgar. Voici « Boule Miroir ». Qu'arrive souvent, mais ça arrive de temps en temps. Nos têtes se sont mises à tourner, mais non pas de la mauvaise way. Nos pieds flottaient, nos hanches couvaient, tout le monde autour nous regardait. Laissons nos pensées se perdre dans le vide pour arrêter le temps. Le temps d'une minute, le temps d'une vie, suspendu un moment. Allez, lumière, scintillez fort, projetant du glitter sur nos corps. Tout le monde riait, tout le monde s'aimait, y'a personne qui ne se souciait de rien, de rien, de rien pantoute. On ne vit qu'une fois, vie coûte que coûte. On se le dit pas assez souvent, mais on se le disait ce soir-là. Laissons nos pensées se perdre dans le vide pour arrêter le temps. Le temps d'une minute, le temps d'une vie, suspendu un moment. La musique nourrissait nos âmes. Si tu crois dans du stuff comme ça, elle pirouettait sur le dance floor. Et moi je me suis rendu là. Au sens où ils rivalisaient, les reflets de la boule miroir. Pour une seconde je me suis cru dans la plus glorieuse histoire. Loin de la grande ville, loin de ces cheap thrills. Loin de la grande ville, loin de ces cheap thrills. Laissons nos pensées se perdre dans le vide pour arrêter le temps. Le temps d'une minute, le temps d'une vie, suspendu un moment. Laissons nos pensées se perdre dans le vide pour arrêter le temps. Le temps d'une minute, le temps d'une vie, suspendu un moment. À l'infini, on J'ai déjà visité un désert entouré des glaciers au nord de l'Amérique. J'ai déjà vu le soleil pas vouloir se coucher, pas laisser sa place au ciel étoilé. On sait pas ce qu'on peut trouver l'amour, mon bébé. Ça serait-tu dans un coin perdu, dans un coin caché? On sait pas ce qu'on peut trouver l'amour, mon bébé. Ça serait-tu dans un coin perdu? Ça serait-tu dans un coin caché? Sur le top de la montagne à 2400 pieds au bord de la falaise. Et j'ai déjà sauté les deux pieds attachés comme ça dans le vide sans vouloir reculer. On sait pas ce qu'on peut trouver l'amour, mon bébé. Ça sera-tu dans un coin perdu, dans un coin caché? On sait pas ce qu'on peut trouver l'amour, mon bébé. Ça sera-tu dans un coin perdu? Ça sera-tu dans un coin caché? À voyager d'une vie bien simple, rien de compliqué. On sait pas ce qu'on peut trouver l'amour, mon bébé. Ça sera-tu dans un coin perdu, dans un coin caché? On sait pas ce qu'on peut trouver l'amour, mon bébé. Ça sera-tu dans un coin perdu? Ça sera-tu dans un coin caché? Sa peau. J'ai volé la clé de son cœur. Égaré, je mets mon élément et son numéro. Oh, oh. Elle devait partir au matin. Elle devait rejoindre son chien. Dans une ville qui vit dans la nuit, son chagrin l'attendait. Et elle le savait très bien. Ah, ah, ah, ah, ah. Vieux chéri, pourquoi tu devais partir dans la nuit? Je voulais savoir ce que tu veux. Qu'est-ce qui te tourne en ton temps? Qu'est-ce que tu aimes pour moi? Qui prend fin jamais avec le bon numéro. Oh, oh. Ce n'était pas son premier show qu'elle donnait à ceux qui souhaitaient lui offrir tout ce qu'elle voulait désirer pour une nuit, offrait son corps en cadeau. avez aimé ça, vous allez aimer l'album de Tommy Bolger. Vraiment très intéressant. J'ai reçu ce produit-là. Je suis enchanté. Je vais écouter ça à fond pour sûrement en faire un commentaire de disque à un moment donné. Ce qu'on vient d'entendre, c'est Virginie. Et le reste de l'album est à peu près pareil. Du bon rock mélodique un peu, là, des années fin 80, début 90. Assez intéressant. De la bonne guitare, des belles mélodies, des bons textes. Tommy a une voix quand même assez agréable. On s'accroche à sa voix. C'est vraiment bien fait, bien produit. Donc, ça va tourner sûrement à Canrock à plusieurs reprises. Tommy Bolger, comme je vous dis, j'espère que je prononce bien son nom. Tommy Bolger et la pièce Virginie, c'est ce qu'on vient d'entendre. On va terminer notre bloc des Maritimes, hein, le bloc de musique acadienne, avec un groupe qui, se sont promenés un peu pas mal partout. Ils se sont même retrouvés, je pense au mois d'avril, mai, ils se sont retrouvés down under, comme qu'on dit, en Australie, pour chanter du rock francophone de l'Acadie. Je parle bien sûr des Hôtesses d'Hilaire. On a reçu une nouvelle pièce il y a quelques semaines de ça. Et j'ai pas eu la chance de la faire tourner, mais là, je vais la faire tourner. Leur nouveauté, c'est tout simplement Petit Paradis sur le bord de l'eau. Je sais qu'ils ont un opéra rock qui a été écrit tout récemment. J'ai pas plus de nouvelles là-dessus. Il va falloir qu'on mette un homme là-dessus à savoir qu'est-ce qui se passe avec cet opéra rock-là, où est-ce qu'on pourrait voir ça, où est-ce qu'on pourrait entendre la musique de cet opéra rock-là. Donc, c'est vraiment bien fait. Je vous jure, pour les avoir vus en spectacle à quelques reprises, le chanteur des Hôtesses d'Hilaire, Serge Brideau, c'est un phénomène. C'est un phénomène, c'est une bête de scène. Habillé en femme, mais avec une grosse barbe, puis une grosse voix, puis beaucoup d'énergie. Les musiciens sont écœurants, c'est des musiciens solides. Donc, vraiment un groupe très intéressant en Acadie. On va terminer le bloc des Maritimes justement avec ça. Voici leur nouveauté, Petit Paradis sur le bord de l'eau. Un peu rock'n'roll, country rock, là. Assez intéressant, merci. Voici les Hôtesses d'Hilaire. Hey, oh Madeleine, 21, turn around, 3 semaines de bus, 3 semaines de brosse pour 7 jours dans tes bras. Du fin fond du Québec, je rêve chaque soir à toi. On vit pas pour tout de suite, on garde ça pour plus tard. Mais crois-moi, un jour, ça vaudra son pesant d'or. Un jour je vais faire un hit, pas juste un hit assez. Je vais topper le palmarès, tu croiras pas tes yeux. Je vais perdre 30 livres de graisse. Je vais t'acheter une flat screen, une cuisine Ikea, baby living the dream, en deux swipes de visa. Dans le petit paradis sur le bord de l'eau, dans le petit paradis sur le bord de l'eau, dans le petit paradis sur le bord de l'eau, dans le petit paradis sur le bord de l'eau. Shiloh, un petit château dans le fond du bois pour toi pis moi. Un rêve pour tous tes chevaux, un lac pour ton dauphin. Pis si t'es consentante, j'te offrirai refaire les seins. Inquiète-toi pour ma belle, j'vais fermer ma grand gueule. J'vais chanter comme Louis-Jean, j'vais devenir coach pis faire de l'argent. Dans ma vie de paradis sur